Je m'entraîne, 1, cahier page 29. Salut, ça va? Moi, je m'appelle Nabil. J'ai 12 ans, j'ai un frère et deux sœurs. Bonjour, moi, je suis Mariam. J'ai 13 ans, j'ai un frère, il s'appelle Omar. Moi, c'est Carla. J'ai 14 ans. J'aime regarder la télévision. Je suis Amir. J'aime le sport, surtout le football. Je m'appelle Mira. J'ai 15 ans. J'ai trois frères et une sœur.